cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Politico-Coquine sur les ondes de CFOU 89.1 en compagnie spécialement cette semaine de Mathieu Plante. Et quel est ton spécial? Ainsi que de moi-même, Sébastien Gartin. Aujourd'hui, à l'émission, on parle du scandale Facebook, de Trump et encore de Trump. Mais avant, comment s'est passée ta semaine, Mathieu? Merveilleusement bien, Sébastien Gartin. Merveilleusement bien. Toi? Bien. Bien, juste normalement, okay. Ça, c'est ton cue pour partir ton tour de table, en fait. OK, ben ouais, mais mon tour de table, c'est bien que cette émission-là, je l'écoute à chaque semaine. Ben oui, c'est sur ton chemin pour retourner chez vous, normalement, c'est exactement ça, exactement ça. Non, moi, pour vrai, cette semaine, ce que j'ai trouvé bizarre, c'était les histoires de Uber. Ouais? Ouais, t'as entendu parler de ça, l'accident d'Uber? Ben, c'est pas eux autres que t'as une moustache rose sur le devant de ton auto? C'est Lyft. Ah, OK. Avec la moustache rose, avec c'est vraiment beau. Ouais, ça se fait changement des petits cils sur les New Beetle. Ouais, hein, c'est ça. Je sais pas si on pourrait les pairer ensemble. Peut-être. Ah, ça ferait un beau couple, quand même. Ouais. C'est comme Trump avec des porn stars. Ouais, c'est ça, exactement. Deuxième moitié d'émission. On en parlera tantôt. Non, c'est ça. Bref, il y a la vidéo qui est sortie aujourd'hui même, pour ceux qui écoutent en direct le jeudi, qui montre comment ça s'est passé, ce fameux accident entre une femme et une voiture Uber contrôlée de façon autonome par un gars aux cheveux longs. Hein? Ouais, mais on n'était pas sûr. Hein? Il y a une drôle de coupe de cheveux, le monsieur, à la base. Une drôle de personne, mais bon, c'est pas grave. Bref, les experts ont regardé la vidéo et puis apparemment que les sensors du VUS qui étaient sur la route auraient dû apparemment voir cette femme-là qui passait en vélo dans la rue. Nous, on a regardé la vidéo juste avant l'émission. Il fait noir. Ouais, puis on la voit vraiment à dernière minute. Là. Je veux dire, l'accident est en train d'arriver quand on commence à la voir. Elle est déjà sur le bumper. Tu cherches la voiture, tu regardes dans la vidéo et tu cherches où est le vélo. Excuse-moi. Et puis finalement, ça arrive. Mais l'affaire, c'est que les véhicules qui ont des lights qu'on appelle, donc des lasers, si on veut, eux seraient supposés voir ça et voient beaucoup mieux, en fait, que les humains en termes de noirceur. Ouais, parce que ça marche un peu sur le même principe qu'un radar, c'est-à-dire un radar à la base, c'est que c'est une onde sonore qui part puis elle bande sur quelque chose, c'est comme l'écho qui revient qui donne la localisation des objets. Un LiDAR, c'est un peu le même principe, mais au lieu d'être avec une onde sonore, ben c'est un laser, dans le fond. Ouais. Il aurait dû engager Batman, c'est lui, ouais. C'est une chauve-souris. Oui, c'est ça. Bref, le crash, l'accident, c'est la première fois qu'il y avait un véhicule autonome qui a fait un accident comme ça. C'est une Volvo. Le véhicule, c'est un Volvo qui roulait à 64 000 à l'heure avec un chauffeur derrière le volant quand même qui a frappé une femme de 49 ans qui s'appelle Elaine Herzberg. Vous avez certainement entendu parler d'elle. Les lumières du VUS ne se sont pas allumées avant comme 2 secondes avant l'accident. C'est ça qui est quand même surprenant. En fait, la Madame Herzberg sera connue comme étant la première personne tuée par un véhicule autonome. Tu vois, fait que ça ou du terrorisme, là, si tu veux marquer l'histoire, là. Ouais. C'est... à place de faire sauter des bombes puis de au Texas. Bref, ouais, ça, c'est mon tour de table. On en parlera tantôt. Mais bref, c'est ça, les experts n'étaient pas trop sûrs si le véhicule était équipé d'un moniteur vidéo, parce que la raison que je parle de ça, c'est que le chauffeur en tant que tel qui était derrière le volant, qui conduisait pas, qui faisait juste regarder par en bas ce qu'on voit dans la vidéo, et on se demande s'il était en train de regarder un moniteur ou quelque chose comme ça qui montrerait justement ce que la voiture est en train de voir. Il y en a qui présument qu'il regardait son téléphone. Comment voulez-vous savoir? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a les médias évidemment passent leur temps en ce moment à parler du fait qu'il y avait, qu'il a fait de la prison pendant 4 ans, des trucs comme ça. T'sais. Des détails qu'on n'est même pas sûr parce qu'en fait, les médias locaux disent qu'ils ont réussi à trouver le dossier de Rafaela Vasquez alors que le gars s'appelle Rafael Vasquez, 44 ans. Donc peut-être que c'est même pas une personne. Mais les médias, c'est connu, vont sauter sur Fake la nouvelle. News. C'est la police de Tempe, donc en Arizona, qui a mentionné que c'était qu'il avait identifié sous le nom de Rafael Vasquez. Mais je ne sais pas. Pour vrai, moi, je trouve que ça sonne mexicain. Pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûrement une question de déportation, là, une fois c'est que... ça, les immigrants, puis tout, hein. Faut faire attention à ce monde-là. Ouais, bref. Je sais pas quoi en penser de ça. Donc, toi, ouais. Moi, ben, j'ai appris plein de choses cette semaine. Ouais. Hein? Ben, premièrement, ça, que les robots sont maintenant meurtriers. Faut les d'ailleurs, respecter, nos robots. Ouais. Une petite chose que j'ai vu passer sur Twitter que j'ai trouvé très drôle. En fait, je suis pas sur Twitter du tout, mais du coup. Hey, attends un peu, là, les Français, là. Hein? Mais en fait, il y a une. Il y a une commentatrice britannique, je crois. En fait, une femme de pas connue, là, quoi que ce soit, qui a tweeté comment qu'elle a écrit ça, en tout cas, a robot car just killed a person. Puis là, elle dit, oh, je viens de me rendre compte de ce que je viens de tweeter, parce qu'en fait, cette femme-là, c'est un hasard, elle s'appelle Sarah Connor. Comme dans Terminator. Comme dans Terminator. Puis elle tweet ensuite, elle dit, elle a pas vu les films, puis elle comprend pas pourquoi est-ce que le monde lui parle de Skynet, puis tout. Ben, elle dit, j'ai fini par le googler, puis j'ai compris, mais elle dit, j'ai même pas vu les films. Elle a quel âge? Parce que là, je veux dire, à un moment donné... une trentaine d'années, à peu près. Tu sais, t'as trois décennies sur Terre, et t'es pas encore au courant de Sarah Connor puis Terminator. T'as pas... Puis là, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais je pense qu'elle est britannique, en fait. Fait que ça se peut qu'elle ait pas vu le film, en fait. Peut-être qu'ils vont dire, qu'ils vont prononcer Terminator différemment, mais... En même temps, pas tout le monde qui l'a vu, ce film-là, non plus. Je veux dire, c'est quand même des classiques, mais... Ben oui, mais en tout cas, bref. Ben oui, mais là, en tout cas, hein? C'est un minimum de curiosité, je trouve. Ben, moi, je l'aurais, mais ça a l'air qu'elle, non. À part de ça, j'ai appris que cette semaine, malgré sa propension plutôt à piler sur les orteils, Martine Ouellet est bien sensible à la critique. Ah oui. Parce que, bon, il y a eu elle a déposé une mise en demeure contre les panélistes de La Joute. Parce que là, les critiques lui ont fait de la peine. Ça, c'est une émission de sport, n'est-ce pas? Non, c'est une émission de politique, en fait, à TVA. Ah, TVA. Mais c'est ça, ça l'a fait parce que là, ils ont dit que, ben là, ils ont critiqué son style de leadership. Puis bon, la crise de confiance au PQ, hein, au Bloc québécois, excusez les, les habitudes. Hein. On a appris que ça lui a fait bien de la peine. Mm-hmm. Ainsi qu'à sa mère. Ah non! Madame quoi, pas Ouellet? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment ça qui est écrit dans la mise en demeure. De toute façon, il faut qu'on l'appelle par son nom complet, non pas par monsieur, madame. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, bon. Ouais. Hein? Ouais. J'ai aussi appris que GND, Gabriel Nadeau-Dubois, hein? C'est un gars plein d'espoir. Il a bien confiance en les chances de QS d'avoir plus de députés, même s'il dit qu'il a appris à ne rien prendre pour acquis en politique. Moi, c'est sûr que c'est pas un gros avantage d'avoir rallié Sol Zanetti à ta cause quand que tu le fais se présenter dans Québec City, mettons. On s'entend-tu que le jongleur de Pogo Orange dans la ville de Québec, c'est pas là qu'il va faire des gains bien gros? Jongleur de Pogo Orange. Il a pas changé le logo, finalement? Ben, c'est le nouveau logo, en fait. Okay. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a la page, comment ça s'appelle? Québec Solidinc. Ouais. Qui est une page de mimes qui... Beaucoup plus intéressante que celle de Québec solidaire. Oui, ben, c'est qu'ils ont fait à cause de la déclaration de l'année dernière de Manon Massé, tu sais, avec les pogos décongelés. Ouais, c'est pas le pogo le plus décongelé de la boîte. C'est ça. Ben, ils ont comme changé le nouveau logo de QS en... Ils ont remplacé là, l'espèce de les espèces de trucs ronds. Là. Ils ont remplacé par des pogos. Fait qu'on dirait vraiment que le petit personnage, les bras ouverts de QS, jongle avec des pogos, c'est ce qui marrant. Est très drôle. Ouais. C'est ça. Autre chose qu'on a appris cette semaine, ben, un bel exemple d'arroseur arrosé. Mm-hmm. En fait, on en a parlé tantôt. Au courant de la semaine dernière, au Texas, il y a eu, dans la région de Austin, il y a eu plusieurs alertes à la bombe, dont certaines qui sont avérées être vraies. Entre autres, dans un... c'est UPS ou Perlator? FedEx. Ben, ni l'un ni l'autre. Dernier. C'était le troisième, j'allais dire. Chez FedEx, dans le fond, il y a eu des alertes à la bombe. Là. Il y en a eu deux, entre autres. Puis finalement, ben, pour différentes raisons, l'enquête policière a suivi son cours. Ils ont finalement trouvé un suspect. Ils ont suivi le suspect dans sa voiture. Sa voiture s'est parquée. Là, ils ont fait « Oh, il se passe de quoi de louche? » Ils ont fait commander les véhicules d'intervention, en fait. Donc, dans le fond, en gros, le SWAT. Parce que là, ils se disaient qu'effectivement, si c'est bien lui, il y a peut-être des bombes sur lui. Et effectivement, le temps que les véhicules d'intervention arrivent, ben le dude s'est fait sauter. Ouais. Genre, boum! La fameuse technique. Bref, l'arroseur arrosé. Ouais, ça finit mal, cette histoire-là. Donc, il ne pourra même pas passer en justice. C'est ou ça. En prison. Ben là, c'est que ce qui est, y a bien du monde qui était « Yeah, il est mort! » Il a goûté à sa propre médecine. Sauf que l'affaire, c'est ça, c'est que en fait, l'enquête a montré qu'il y avait peut-être complices. Complices? Ah oui, pour vrai. Complices. Donc, ça pourrait continuer si ça continue. Ça va être... C'est ça, parce que s'il avait arrêté, il aurait pu l'interroger et ainsi de suite, et peut-être plus facilement se rendre compte s'il y a bel et bien des complices et qui ils sont. Là, ils repartent un peu l'enquête à zéro, puis... faut qu'il reste vigilant, c'est à peu près ça. Et on surveille la prochaine saison de District 31. Oui. Qui vont sûrement faire cette histoire-là. Ouais. Hey, il y a une chanson. Oui, hey. Non, attends. Non, t'as pas fini. Je te relance. Moi, je suis genre à la place d'aller tout d'un bord et après ça tout de l'autre. Moi, je suis genre ping-pong. Je suis comme ça d'habitude. Non, je voulais en fait qu'on parle non seulement de bombes, mais de guns. Oh. Parce que ça a un lien avec la politique aussi. YouTube qui s'attaque aux vidéos sur les armes à feu, as-tu vu ça? Qui vont interdire les vidéos montrant comment assembler ou modifier les armes à feu, ainsi que celles qui font la promotion de la vente ou de certains accessoires, des trucs comme ça. Ça va entrer en vigueur au mois d'avril. Mais même les républicains, en fait, ont l'air assez ouverts à finalement interdire les bump stocks et ces choses-là. Exact. Les dispositifs de mitraillage, je ne veux pas te contredire. Ben, bon, en français, il faut le dire comme ça, apparemment. D'accord. D'accord, monsieur. Hashtag Radio-Canada. Exactement. Donc, des vidéos qui expliquent comment fabriquer des armes, des munitions, des chargeurs de grande capacité, des silencieux, d'autres accessoires qui vont aussi être interdites. Même chose pour les vidéos qui montrent comment installer ces accessoires-là. Fait que maintenant, on va pouvoir continuer de hacker notre console de jeux vidéo. Mais à un moment donné, les armes à feu, on arrête ça. Ouais. Tu comprends? Une des affaires, c'est rare les gens qui ont utilisé des consoles de jeux vidéo pour tuer du monde. Oui, c'est ça. Ben oui, exactement. Parce que okay. L'inspiration, vous savez, les républicains en ce moment, c'est ça. C'est les jeux vidéo qui devraient eux-mêmes se justifier de pourquoi ils sont pas dangereux. Ben d'ailleurs, j'ai vu une très bonne blague sur Internet. En fait, c'était une blague d'une émission là, que je connais pas, mais qui est aux États-Unis. En fait, c'était pas la première fois que je voyais la tronche de celui qui a dit la blague. Mais c'est que, en fait, bon, ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu une nouvelle la semaine dernière, comme quoi est-ce qu'on n'en a pas parlé à l'émission, mais que. Il y avait un enseignant, en fait, qui portait une arme, qui s'est mis à tirer dans une classe pendant un cours. On ne sait pas pourquoi exactement. Il a comme tilté, puis il a sorti son gun, puis il a tiré. Puis il y a un élève qui a été blessé. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a un élève qui a été blessé par un éclat de balle. Dans le fond, une balle qui a comme... qui s'est comme désintégré, qui s'est si fragmenté, mettons. Puis il y a un éclat qui a comme fait une grosse entaille dans le cou d'un étudiant, d'un élève, ce qui a été dangereux. En fait, je pense qu'il a fallu qu'il parte en ambulance parce qu'il y avait des dangers là, de mort. D'avoir, là, ça va peut-être sectionner une artère, en fait. Donc, puis là, la blague, c'était que ben, si le cou du jeune homme avait porté une arme à feu, ben, il aurait été correct. Okay. Oui, c'est excellent parce qu'effectivement, d'armer les professeurs pour contrer les méchants avec des fusils, on s'entend que c'est une très mauvaise idée pour pas mal tout le monde qui est un petit peu sensé dans la tête. Parce que pour vrai, quelqu'un qui tilte comme ça, ça peut arriver n'importe quand. Ben ça, on en avait parlé là, dans une émission précédente avec Lucas, en fait. Tu sais, je veux dire, moi, dans mon vécu, à l'école secondaire où j'ai été, il y avait un prof qui avait amené, d'ailleurs, il est parti en burn-out pas longtemps après ça, mais qui avait décroché une horloge du mur et qui, tu sais, les horloges rondes cheap là, qu'il y a dans toutes les classes, là, mais il l'avait décroché puis il l'avait pitché à la tête de quelqu'un. Voyons. Puis il avait garoché une chaise par la fenêtre aussi en étant là, enragé. Il s'est servi des aiguilles comme l'arbalète. Il l'a pas bien, là. Mais c'est ça. Hey, imaginez s'il y avait eu un concealed weapon à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce que tu peux faire tellement d'affaires. Tu pourrais prendre genre le mètre en bois. Ça peut faire des écharpes. Tu as l'aiguille crayon. Tu pourrais défaire un doigt. Quelque chose genre. Ouais. Mais tu sais, l'aiguille crayon en particulier, ça demande quand même qu'il y ait une certaine collaboration. C'est mettons. Ça. Ah non, monsieur le professeur. Professeur, tu peux pas. Tu peux pas dire monsieur, madame. Ouais, non, c'est ça, on peut plus. Là, on est rendu en chanson, je pense, par contre. Là, je pense qu'on est rendu là. Ça va être Foisy avec Shizabili. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Je sais pas, mais cette chanson-là, c'est. C'est moi qui l'ai Foisy. Ouais. C'est toi qui l'as Foisy. Mais Jude Moplante. Hey, c'est moi ça, c'est moi. Donc, c'était Foisy avec Shizabili. Il y a comme deux même, là, c'est beau. Là. Ben, tu sais, c'est tranquillos. Shizabili. Des fois, nous autres, on a le tort à l'émission de mettre du métal à cette heure-là. Ouais, c'est ça. Des affaires qui bûchent, le genre du. Mm-hmm. Mais là, t'es mieux de te fier sur le charbon et le pétrole, c'est ça le futur. Hein, selon Trump. Ouais. Mais Trump, c'est plus tard dans l'émission. C'est ça. Pour l'instant, ça chauffe pour Facebook. Ah non, pas Facebook. Ben oui. Ben c'est ça, ça chauffe au charbon. Ils ont un petit feu sauvage sur la face. Exactement. Je dirais même un tap de gros feu sauvage d'en face. Je m'attendais pas à ça ici. Bon, on va commencer par le début. Mm-hmm. Je vais commencer par un truc que la plupart des quatre personnes qui nous écoutent vont savoir. dans la salle de bain du Nerebo. Facebook permet de faire des tests de personnalité sur leur site. Il y en a même que c'est des genres de modules, un peu comme les jeux, qui se greffent à votre Facebook, puis qui vous donner des accès à des réponses. Genre de quoi aurez-vous l'air plus tard, avec qui seriez-vous en couple, des trucs comme ça. C'est ça. Ça donne accès à plusieurs données vous concernant. Même certains, si vous allez vite, ça va donner accès à absolument tout ce que vous avez mis sur Facebook. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi on en parle? D'abord, disons-le, à ma chronique et assemblage requis avec un animateur que je connais pas. Tania Baudin, je sais qu'elle anime c'est ça. C'est ça, Yael. Il y a un gars peut-être aussi avec. David Ferron, moi. Mais ouais, c'est ça. Bon, j'en ai parlé hier. Là, je fais une chronique un peu différente, plus axée sur les faits, peut-être. Oui, t'as fait ta recherche. Là, c'est ça. J'ai plus élaboré un peu ma recherche. Donc, c'est ça. Pourquoi j'ai parlé de ça hier? Ben, c'est qu'en fait, il y a un chercheur de l'Université de Cambridge en Angleterre, qui un chercheur en psychologie à l'origine, qui a développé une application qui était en fait un genre de test de personnalité, là encore, que vous pouviez faire sur Facebook. Ça donnait, vous donniez accès à vos données. Et, c'est comme ça que Trump a su que son QI était ouais, c'est très ça. Élevé. Donc, on parle de Alexandre, parce qu'il n'y a pas de E. C'est Alexandre Kogan, qui, dans le fond, c'est ça, qui a fait une application comme ça autour de 2015 pour récolter des informations personnelles pour des raisons scientifiques. Mm-hmm. Sauf que, il y a une pointe. De un, la fameuse application donnait en même temps lieu, donnait en même temps accès aux données des amis des gens qui remplissaient le questionnaire. C'est ça, comme ça veut un dire... 6 degrés de séparation. Là. Moi, je remplis le questionnaire, puis mes 310, 15, quelques amis Facebook, ben eux autres aussi, l'application allait chercher leurs informations mmh. personnelles. Eux autres avaient zéro donné leur consentement. Le résultat, il y a à peu près 270 000 personnes qui ont rempli le sondage volontairement. Mais Kogan, lui, s'est retrouvé avec, tenez-vous bien, les informations de 50 millions de personnes. Ah, wow! Ouais. Donc... Déjà que le but à la base de Facebook était de crouser des filles dans une université. C'est ça. C'est un peu le parallèle avec le fondateur ouais, de Facebook. C'est un peu drôle, hein? Mm. C'est ça. Donc, d'ailleurs, lui, ça va pas bien, là, non, dans hein, ici. Mm. On va y venir, évidemment. Je vais parler, en fait, de tout ce qui s'est passé avec ces données-là pour finalement, à la fin, revenir à Facebook. Pourquoi est-ce que Facebook sont dans l'eau chaude par rapport à ça? Parce qu'effectivement, avec ce que je dis là, ça n'a pas l'air d'être tellement le problème de Facebook à date, présentement. Où est-ce qu'on en est là? Dans mon exposition, oui. Évidemment. L'autre gros problème avec ça, déjà là, il y a un problème de consentement, mais il y a un autre problème aussi, c'est que ça avait été très bon ce qu'il disait, c'était que, ah oui, je prends vos informations, mais c'est pour des fins scientifiques, c'est pour ma recherche universitaire. Mm-hmm. Or, Kogan a dompé ces informations-là à une compagnie qui s'appelle Cambridge Analytica. Excusez-moi. Excusez-la, pardon. J'ai ma journée dans le corps. Donc, Cambridge Analytica. Il ne fallait pas que tu réessayes de CA. CA. Qui c'est ça? C'est quoi ça? C'est une compagnie de, tenez-vous bien, consultants politiques. Mm-hmm. Donc, c'est pas de la recherche universitaire, c'est pas des. Ben, à base, oui, c'est un peu des statisticiens, en fait, mais c'est des consultants à base. En gros, ils aident les partis à se faire élire. Ouais. Ils aident les campagnes XYZ à gagner leur campagne. C'est comme les Russes, mais pas les Russes. Ouais, ben les Russes n'ont pas besoin de ça parce que, hey, on va en parler tantôt de ça. Hey, c'est drôle les liens. Hein? T'es effrayant. Donc, eux autres, ils ont utilisé ces informations-là pour, de un, développer un algorithme d'analyse des préférences. Mm-hmm. Ça, ce que ça fait, c'est que ça leur permet de savoir comment faire changer les votes, en fait. Qui aller influencer pour faire sortir le vote? Qui et de quelle manière influencer, mettons, quelle personne serait ouverte à certaines influences qui leur feraient changer leur vote ainsi de suite en faveur de la personne qui les a engagés. Ils ont eu plusieurs clients connus, entre autres la campagne du Brexit, mm-hmm. pour le référendum du Brexit pour en Angleterre. Quitter l'Union européenne. C'était ceux qui voulaient quitter l'Union européenne qu'ils ont engagés. Et Trump. Mm-hmm. Il y a eu certains, pendant les primaires américaines, en fait, il y a eu Ben Carson, entre autres, puis un autre, donc le nom m'échappe, je ne me rappelle plus lequel, mais qui avait requéri ça. Mais finalement, quand ça a commencé à être clair que ça serait Trump qui serait le candidat républicain, ben eux autres, ils ont reviré leur veste de bord, mm-hmm. comme on dit, et ils ont embarqué dans le camp Trump. Donc, la victoire du Cheetos en chef américain... a encouragé un des fondateurs de la compagnie, Christopher Wiley, à devenir un whistleblower, c'est-à-dire à dénoncer ce qui se passait là. En gros, comme on dit, ben lui, en fait, c'est qu'il s'est rendu compte, il dit ça n'a pas d'allure, il vient de se rendre compte de l'immoralité de la chose, puis il y a plusieurs choses. Ben, les données ont été récoltées sans le consentement des personnes, ce qui, déjà là, il disait, ouais, il y a un problème avec ça. C'est pour des fins commerciales, tellement. C'est pas pour faire avancer la connaissance, c'est pour des fins commerciales. La compagnie vend ses services. Mmh. C'est, à la limite, c'est même pas du bénévolat, c'est vendre des services. Puis, ben lui, ce qui une autre affaire qui posait problème là-dedans aussi, c'est que, outre toutes les questions que ça a pour la démocratie, avec lesquelles on va terminer, ben c'est que ça s'est fait au vu et au su du plus gros réseau social au monde. Et c'est là qu'on revient avec Facebook. Facebook sont dans le trouble à cause de ça parce que, ben depuis 2015, en fait, que Facebook était au courant de ça. C'est un non-respect des politiques, des conditions d'utilisation de la plateforme. Donc, Kogan et Cambridge Analytica étaient dans le tort. Et Facebook le savait. Ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont demandé à CA, à la compagnie, d'effacer ces données-là. Or, ils n'ont clairement pas fait leur suivi là-dessus, parce que les données ont été utilisées quand même. ça nous démontre que Facebook n'en a rien à foutre de votre Facebook. Leur but, c'est de vendre ces données-là, c'est justement, ça. À base. L'erreur de Cambridge Analytica, c'est qu'ils n'ont quand même pas respecté les règles du jeu. Facebook, eux autres même, avaient été dans l'eau chaude en 2011 pour exactement la même affaire et ils ont été obligés. Il y a eu des nouvelles lois qui ont été faites, des lois carrément pour encadrer Facebook, pas n'importe qui, mais Facebook en particulier, ne serait-ce que par la taille du réseau social. Je veux dire, presque tout le monde en Occident a un Facebook maintenant. Donc, c'est énormément d'informations. C'était seulement pour encadrer, pour dire que oui, OK, Facebook peut ramasser l'information qu'ils veulent, mais il faut que chaque graine d'information que Facebook va chercher sur vous, il faut que vous ayez donné votre consentement au moins pour que Facebook puisse le garder. Facebook ont aussi le devoir, évidemment, de tenir les gens qui utilisent la plateforme à la même affaire. Donc, les gens qui créent ces applications-là doivent respecter les mêmes conditions que Facebook devait eux-mêmes respecter pour la vente d'informations. Pas de double standard. Fait que c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça démontre, en fait, l'espèce de laisser-aller de Facebook sur la question. Parce que là, en plus, ça, c'est une compagnie. Il y en a combien d'autres qui font ça, vous pensez? Et qu'on ne sait pas encore. C'est ça, là. Fait que là, ça commence à être stressant. Mais ce que ça démontre, en fait, en partant, c'est que Facebook, eux autres, n'ont pas d'argent à faire à défendre ça. Là. Je veux dire, là, ils se sont fait pogner, ils n'auront pas le choix d'améliorer un peu leurs affaires. Mark Zuckerberg a été, entre autres, il a été convoqué devant la Commission européenne des droits de la personne, si je me rappelle bien, parce que là, il y a une enquête de l'Union européenne, carrément, sur cette question-là. Entre autres, parce que les autres, ça les intéresse à cause du Brexit, justement. Là. Mais pas rien qu'à cause de ça. C'est les questions de droits de la personne aussi qui sont évoquées là-dedans. Puis Mark Zuckerberg est convoqué à aller se présenter là pour parler là, de qu'est-ce qui a mal été fait et qu'est-ce qu'il lui propose de faire pour régler ça. Les États-Unis font un peu la même chose. Nous, au Canada, il n'y a pas l'air d'avoir eu de rien de fait. Probablement que ce qui va arriver, c'est qu'on va attendre de voir ce qui sort des États-Unis. Puis le Canada va juste comme dupliquer les lois pour juste qu'on aille le même contexte législatif que les États-Unis. C'est souvent ça qui arrive dans des trucs comme ça présentement. Malheureusement, on n'est pas à l'avant-garde des nouvelles technologies au Canada sur ces affaires-là. Une grosse affaire qui est importante pendant ce temps-là, et même parce que Facebook ont déjà été dans l'eau chaude pour exactement la même affaire, comme je disais, toujours garder en tête ces affaires-là, ces informations-là, quand on publie quelque chose sur Facebook. Vous mettez quelque chose sur Facebook, c'est comme j'ai dit dans ma chronique hier, mettre quelque chose sur Facebook, c'est comme l'écrire à l'encre indélébile sur le devant de votre maison. À peu près tout le monde peut le voir. Vous vous auto-googlez sur Internet, vous allez voir des choses qui sont sur votre Facebook. Même si vous pensez que c'est pas partagé. Il faut faire très attention avec ça. Le plus safe, c'est évidemment de ne pas le mettre sur Facebook, mais quand vous avez de quoi que vous voulez mettre, ça vaut la peine de guetter les options de sécurité, les paramètres de sécurité et ces affaires-là. C'est juste à côté du bouton poster, tu sais. Il y a une petite flèche déroulante avec qui vous voulez qu'il voit. En partant, c'est ça. C'est facile de l'arranger, ça. Puis des affaires ouvertes à tous, là. Tu sais, personnellement, sur ma page Facebook personnelle, les seules choses que je mets vraiment publiques, c'est je passe une petite annonce, mettons, pour vendre quelque chose, un appartement loué ou whatever. Puis même là, je le mets même pas tout le temps parce que des fois, tu donnes dans une petite annonce, tu peux avoir des informations que tu sais, tu mets une photo, mettons. Tu peux trouver ton adresse. C'est ça. Des fois, c'est touché, ça. Fait que même là, puis sinon, ben c'est quand je republie les publications de notre page de la sortie de secours, ben souvent, les heures des émissions, quand on met le podcast, ben je le repartage en public sur ma page, mais c'est à peu près tout. Des trucs comme on appelle grand public. C'est ça, exactement. Public. Des affaires qui ont pas qui sont pas personnelles, qui ont pas de que je serais pas gêné de me promener avec un T-shirt qui a ça d'écrit dessus. Mes opinions politiques, c'est mes amis, c'est ça. Moi, c'est ça que je mets pas photo, je mets pas de photo de voyage parce que je suis pauvre puis je voyage pas. C'est ça. Bon, là, je parle un peu, je digresse un peu, mais c'est que pour finir, ça veut dire certaines choses pour la démocratie parce que là, on est allé vraiment fouiller dans c'est plus juste de la propagande électorale, c'est plus juste, c'est un peu de ça que j'ai parlé hier dans ma chronique, c'est d'à quel point est-ce que c'est tordre les règles du jeu politique. Il y a un jeu politique en quelque part, il y a une game de convaincre, tu sais, toutes les parties essaient de convaincre, ainsi de suite, mais là, c'est que c'est carrément de la concurrence déloyale, entre guillemets, là. C'est que là, on va vraiment jouer dans la tête des gens et sans leur consentement. Quand tu t'informes sur une campagne électorale, tu vas chercher de l'information toi-même, tu décides ce que tu vas chercher en quelque part, tu as le consentement d'accueillir cette information-là. Tu sais, c'est le geste d'aller la chercher, l'information, c'est ton consentement. Là, c'est de l'information qui était d'ailleurs qui servait à publier sur Facebook avec en utilisant l'algorithme et tout, pour savoir quelle pub nous montrer, ainsi de suite, pour influencer, quelle nouvelle nous montrer, puis ainsi de suite. Il y a ça aussi, là. C'est déjà de la, de la, modification d'influence. Puis d'ailleurs, celui qui est le plus dans le trouble, en fait, c'est pas directement Mark Zuckerberg, mais c'est une de ses grosses têtes du côté business de Facebook qui se vantait carrément qu'il avait fait élire Trump. Des choses comme ça. Ça fait dur. Puis ça les a mis dans la merde. Tu sais, au moins, les Russes font comme si c'était pas eux autres. C'est ça, exactement. Sûrement les Chinois, ouais. Fait que bref, sur ces belles paroles encourageantes et faites attention à Facebook et on se revoit de l'autre bord de la pause. Hey, ça me dit de quoi la voix dans cette annonce-là? Je connais pas ça. Non, moi non plus. Rebonjour, cher public. Hey. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission démagogiste sur les ondes de CIFU 89.1. Avant la pause. Oui, je fais des jeux de mots comme ça. Avant la pause, d'ailleurs, soit dit en passant, on va le répéter pour ceux qui se joignent à nous, les deux personnes. aujourd'hui, ça fait 6 au total. Aujourd'hui, on a Mathieu Plante en remplacement de Lucas Hubert. Ouais. Toujours les mêmes. Hein? Toujours les mêmes. Hein? C'est parce qu'il manque un mot par semaine. Une semaine par mois, excusez. La journée fut longue. Pour des raisons professionnelles. Et pour une fois que c'est pas David Ferron qui remplace partout. C'est ça. Plaignez-vous pas. Hein? C'est ça. Hein? Avant la pause, on vous parlait du scandale Facebook et de la vie privée, puis le lien avec la politique, ainsi de suite. La pointe du Zuckerberg. Ouais, c'est ça. C'est maintenant l'heure de faire un voyage au Trumpistan. Pas de chanson thème. On n'a pas de bumper. Non. Je sais pas pourquoi. Ouais. On aurait dû en avoir une, effectivement. Ouais, mais on n'est pas fort là-dessus. Genre le band orange. Il n'y aurait personne qui l'avait compris. Hein. Ouais, je la comprends. Ouais. Ben, j'ai fait une joke là-dessus tantôt, en plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est un voyage en deux parties. Oh, OK. Il va. Parce que ça n'est pas ça des affaires au Trumpistan cette année. Hein, cette semaine. Pour rappeler, en fait, nous autres, le Trumpistan, on appelle ça comme ça. En fait, c'est le nouveau nom des États-Unis depuis que le grand monarque Trump est au pouvoir. Uh-huh. C'est devenu un peu une genre de république de bananes ou de Cheetos. Cheetos. Les cités d'or, mais. Donc, la partie 1 de notre petit voyage au Trumpistan cette semaine, je l'ai appelée la verge présidentielle. Au début, il y avait Stormy Daniels, la porn star. Pour rappeler l'histoire rapidement, Stormy Daniels, c'est une pornstar avec qui Donald Trump aurait présumément, allegedly, comme ils disent aux États-Unis, eu une relation consensuelle, mais qui a débouché sur un contrat de confidentialité, de non-divulgation, qui finalement a un peu sauté. Puis bon, là, allez googler l'histoire, on en a parlé un peu trop à mon goût de celle-là. Ouais. Par contre, ensuite, il y a eu Summer Zervos. Hey, j'ai aucune idée comment se présente. Tu parles de Zervos. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux avoir eu Stormy et Summer. C'est tellement. C'est. Romare, le 15, Summer, c'est incroyable. Ouais. Pour vrai, tu peux pas inventer ça. Après ça, t'as Karen. En fait, tu peux les inventer parce que c'est pas leur vrai nom, c'est des noms de scène. Fait que... Summer Zervos, non, c'est son vrai nom. Okay, c'est mais pas Stormy, Stormy, c'est un nom de scène. C'est Stephanie Clifford. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Summer Zervos, en fait, c'est une ancienne participante à The Apprentice. Comme telle, c'est une genre de bistronome, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'une bistronome? C'est un bistrot. Ouais. On sait c'est quoi. Ouais. Un petit restaurant fin, mais tout en étant bonne franquette. Mm-hmm. C'est une genre d'experte de tout ça. OK. Qui a été à The Apprentice en 2007-2008, une affaire comme ça, qui allègue, dans le fond, a fait partie pendant la campagne électorale à un moment donné, quand que Trump a fait son... Quand que le tape de Trump là, qui dit « Grab him by the pussy », qu'on en rit encore 2 ans après, c'est une des femmes qui était sortie, en fait, qui avait dit « Ben, moi, il m'a agressé sexuellement, puis c'est pas drôle, là. » Trump lui a répondu en lui criant des noms sur Twitter, parce qu'en fait, elle est ressortie suite à la... c'est pas suite à l'histoire de Stormy Daniels. En fait, ça s'est passé presque en même temps, mais c'est que ça, l'histoire de Stormy Daniels a fait plus parler parce qu'il n'a pas une star. C'est ça. Ben, Trump, au lieu de... Femme, ça y est, ce qui n'est pas fort à faire, il a répondu en criant des noms sur Twitter et même en postant de ses photos pour rire de elle. Assis à la toilette dorée de son royaume. Ce qui ouvre la porte à une poursuite en diffamation. Oh, OK. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un juge qui vient de statuer qu'on peut poursuivre le président qui est en fonction. Parce que, non, ça n'avait jamais été fait avant. En fait, c'est qu'il y a une genre d'immunité présidentielle aux États-Unis qui n'a jamais vraiment été... Je sais pas comment dire, remise en question. Oui, parce qu'on l'a jamais testé, disons. C'est ça. Ben, c'est qu'en fait, c'est que c'est pas écrit dans la Constitution. C'est comme un ramassis de jurisprudence qui dit qu'en gros, puis ça, presque tous les pays dans le monde ont ça, les élus ne peuvent pas être poursuivis par au civil, pour un geste qu'ils posent en tant que leur fonction. OK, donc avant, ce serait correct. Ben, ce que ça veut dire, c'est que, mettons, m'a donné un exemple. il fait une loi quelconque, puis quelqu'un trouve que cette loi-là est anticonstitutionnelle, est illégale, en fait, elle n'a pas de bon sens, elle vient... ben, on peut poursuivre, dans le fond, dans le sens qu'on peut... ça, aux États-Unis comme au Canada, on peut faire ça, puis ça se fait souvent, en fait. On peut poursuivre la loi elle-même, dans le sens qu'on peut la faire passer devant un juge pour qu'un juge décide de si c'est une loi qui se tient ou non. Mm-hmm. Fait que c'est pas une poursuite à une personne, en fait. Un peu c'est comme une contestation, mettons, de la loi. Un peu comme il y avait eu avec les règles sur l'immigration, là. C'est ça. Okay. Là, c'est qu'on met une genre d'immunité pour pas que quelqu'un dise « Ben moi, cette loi-là, je l'aime pas, fait que je vais poursuivre le premier ministre pour intérêt. » Mettons, ça ouvrirait la porte. Mettons qu'on n'aurait pas ça, ce genre d'immunité-là. Ben quelqu'un, mettons, donner un exemple comme ça. Le Québec décide de forcer Netflix à percevoir des taxes sur ses abonnements, finalement. Mm-hmm. Donner un exemple de même qui pourrait arriver. Ben Netflix pourrait, mettons qu'on n'aurait pas ce genre d'immunité-là, poursuivre personnellement chacun des députés de l'Assemblée nationale pour les pertes financières que que Netflix va encourir par rapport à ça, pour donner un exemple. Puis ça, ben un juge serait peut-être obligé de donner raison parce qu'il y a pertes, puis ainsi de suite. Ouais. Donc, ben ça ouvrirait toute une porte à des poursuites de ce genre-là. C'est pourquoi, généralement, quelqu'un ne peut un législateur ne peut pas être poursuivi pour ses gestes posés en tant que législateur. Mais c'est qu'aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc. C'est juste une question de jurisprudence, en fait. Ce qui fait que ça n'avait jamais vraiment été discuté. Puis, on prenait comme pour acquis que le président a une sorte d'immunité diplomatique, entre guillemets. Parce que lui aussi, dans le fond, est législateur, si on veut, parce qu'il peut faire des décrets. Bien, effectivement, le président comme tel, je dis le législateur dans un terme général, le président, c'est la branche exécutive, en fait. Exact. C'est pas la branche législative. Il exécute les lois, il les écrit pas. Faut que ça passe quand même par le Congrès. Mais c'est ça. En fait, c'est que c'est le Congrès qui propose les lois, puis lui fait juste les signer à la fin et les appliquer ensuite. Fait des décrets qui permettent d'appliquer les lois, et ainsi de suite. Bref, un peu un cours sur la démocratie américaine. C'est compliqué, ça, exactement. C'est ça. Puis j'ai quand même pas mal de stock à dire encore. Fait que c'est intéressant, mais là, il y a vraiment une juge qui a dit non. Quelque chose que Trump a fait avant d'être au pouvoir ou en marge d'être au pouvoir, ou même s'il fait quelque chose aujourd'hui, vous pouvez le poursuivre pour des choses comme ça. Okay. En fait, la diffamation, elle a eu lieu pendant que Trump était président. Mais là, c'est la poursuite personnelle. La poursuite personnelle est assez dégagée de son rôle de président. Comme tel, c'est sûr que s'il n'avait pas été président, on n'aurait peut-être pas parlé. Mais ce n'est pas directement en lien avec sa fonction de président des États-Unis. Donc là, on peut le poursuivre. C'est pas dans, son rôle de coucher avec des pornstars et des... Non. Non, OK. Ah, étonnamment. C'est pas écrit, ça. Puis, ben, ce qui est intéressant avec ça, là encore, ça ouvre la porte à ce qu'il se fasse condamner de quelque chose. Mm-hmm. Peut-être même qu'il va faire de la prison. Et là, ce qui est drôle, c'est que ben, on s'entend qu'un un président qui est forcé... Parce que là... Ça ouvre là, c'est une poursuite en diffamation. C'est rare du monde faire de la prison pour de la diffamation. Mais là, c'est que ça ouvre aussi la suite à la porte à une poursuite pour harcèlement sexuel, par exemple. Ouais. Pis ça, il y a du monde qui font de la prison pour ça. Oh. Fait que là, ça pourrait être toute une autre histoire. Ce serait vraiment une histoire parfaite à suivre. C'est ça. C'est hilarant. Dommage pour les victimes, pour vrai. C'est vraiment pas drôle du tout, mais... Pour ceux qui suivent John Oliver, tu sais, we got him, là, ouais, le piton, là. C'est ça. Bon, puis maintenant, il y a une dernière victime qui est sortie, Karen McDougal, qui est une ex-playmate que Trump a fréquenté en même temps que Stormy Daniels. C'est quoi son prénom? Karen. OK, donc non, c'est son vrai nom, normal, c'est une ancienne... En fait, elle, c'était pas une porn star, c'était une playmate. Mm-hmm. Fait que, bon, la ligne est... Elle était nue pareil, mais sur des pages de magazines à la place. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était une pin-up, dans le fond. Ouais. Fait que c'était plus une ancienne mannequin. Elle fait du sport aussi. Maintenant, à cette heure, sa carrière, en fait, est beaucoup plus... en fait, elle est assez, une genre de fitness guru, en fait, okay. À cette heure. Tant mieux. Ben là, c'est ça. Elle veut poursuivre Trump parce que son avocat de l'époque, dans le fond, en 2016, quand que Trump était aux primaires, avait rencontré son avocat... On dirait que tu parles de l'école primaire. Ouais, c'est drôle, hein? Les primaires... Pour les élections. Quand Trump était, dans le fond, c'est ça, pendant les primaires, l'avocat de Trump, Cohen, là, qu'on entend parler dernièrement, Michael Cohen. Qu'on a entendu, on a entendu beaucoup parler dans la saga Stormy Daniels, il avait rencontré l'avocat de Karen McDougal et lui avait proposé, en fait, de vendre les droits de son histoire, de sa fréquentation avec Trump, à AMI, qui est la compagnie qui possède, entre autres, le National Enquirer. Ah oui, National un Enquirer, journal à potins. Journal à potins trash. Oui, tabloïd, là, vraiment. Tabloïd, là, dégueulasse, ouais. Là, genre, tu sais, les paparazzis qui filment le monde puis, en train de... Puis, ils vendent des histoires, là. Oh, oui, c'est ça, là, c'est abracanabra. Ouais. Puis, tu sais, l'équivalent de Zalopolis, là. Le garçon extraterrestre. Oui, c'est ça, là, les affaires la même. De vendre, puis là, ben, finalement, son histoire n'a juste jamais débouché. Mm-hmm. Fait que là, elle a dit, ben, en fait, c'était une manière de lui faire de la coercer, mettons, si on peut dire, de la forcer sans qu'elle s'en rende compte, ouais, à signer une espèce de non-disclosure agreement encore, tu sais, le fait de ne pas parler publiquement de son affaire. Ouais. Là, il y a du monde qui ont dit, ouais, mais ça ne l'empêchait pas vraiment d'en parler, mais ça la mettait en fait dans un bourbier qu'elle aurait quand même pu se faire poursuivre et quand même. Fait que là, c'est comme une genre de contrat et de possibilité de poursuite qui vise à l'empêcher à effectivement de parler, ouais. À lui faire peur, dans le fond. Donc, puis elle dit même qu'en fait, elle pense qu'elle a comme sous-entendu que son avocat aurait carrément été malhonnête là-dedans, elle a été mal conseillée. Fait que là, c'est que en fait, le problème avec ça, c'est qu'une des raisons pourquoi elle en parle, c'est qu'elle, elle a dit, elle n'a pas été agressée, c'était une relation consensuelle. Elle était même, avait l'air de dire qu'elle était même en amour avec, elle parlait entre autres du fait qu'elle s'était faite carrément dire par des gens que ça serait peut-être avec Trump, qui était nouvellement marié avec Melania Trump et qui venait de, elle-même qui venait d'accoucher de Barron. Peut-être que ben, elle s'est fait carrément dire, puis elle avait l'air d'aimer l'idée de, qu'elle serait sa prochaine femme. Ouais. Bref, ça pour dire que ce contrôle-là, en fait, pourrait contrevenir aux lois électorales américaines parce qu'il vise à cacher des informations qui étaient en fait pertinentes lors de la campagne électorale. Ouais. C'est sûr qu'on n'en a rien à battre, en fait. Que, c'est pas nos affaires. Objectivement, on s'en fout que ça. Trump... mais ça reste qu'il a tenté de cacher cette information-là. Mmh. Puis, pour un certain public américain, ben ça peut, surtout des républicains, c'est ça la peut, même chose que Clinton, la coquification, il ne traite pas, c'est ça. Mmh. Donc, la coquification. La coquification. OK, je pense que tu avais dit coquification. Oui, ben là, c'est ça. Donc, la partie 1 de notre voyage au Trumpistan est terminée. La prochaine va être plus rapide. La verge présidentielle a été longue. j'en reviens pas que j'ai mis ça dans une émission radio. Équipé pour veiller tard. C'est ça. Partie numéro 2, les copains d'abord. Vladimir Poutine. Attends, veux-tu que je fasse une petite clochette pour changer de page? Ouais. Les copains d'abord, partie 2. Vladimir Poutine, le monarque de la Russie, nouvellement réélu. Les dirigeants des pays occidentaux se sont gardés une petite gêne de le féliciter, vu son manque d'enthousiasme face à la démocratie, virgule, l'assassinat d'un ancien agent double par empoisonnement en Grande-Bretagne, histoire de cette semaine d'ailleurs, l'annexion illégale de la Crimée aussi. Ou toutes ces autres réussites qu'on connaît. donc, Poutine et son resting bitch face. Une permanent. Il y a une exception. Okay. L'ambassadeur aux États-Unis de la Russie, c'est-à-dire Donald Trump. Ah, encore. Ouais. D'ailleurs, je dois le crédit de ma blague à John Oliver, parce que c'est comme ça qu'il l'appelait à un moment donné. Bon, celui-ci a peut-être entendu dire que la poutine contient du fromage. Et c'est pourquoi il se serait il s'est empressé de féliciter tonton Vlad de sa réélection, entre guillemets, parce qu'on s'entend la démocratie russe. Oui, ben c'est ça, c'était prévisible. Trump se défend en disant qu'Obama l'avait aussi appelé pour le féliciter en 2012. Or, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2012, Poutine, en fait, sortait d'un mandat de premier ministre. Oui, il s'est changé entre le premier ministre et président. Il était quand même le puppet master de Dmitry Medvedev, qui est son BFF assumé. Ben, en fait, c'était des années assez tranquilles dans la politique russe. La Russie restait assez... C'était dans la période où la Russie se relibéralisait économiquement. Il essayait de créer des accords, justement, économiques internationaux, et ainsi de suite. Fait qu'il était plus chummy. C'était avant, entre autres, la guerre en Ukraine, là, l'annexion de la Crimée et ces choses-là, puis qu'il commence à avoir des assassinats politiques et des affaires comme ça. Il y en avait eu quelques-uns, mais ça s'était calmé un peu, puis ça faisait un bout de temps. Fait. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que quand même, tu sais, comparer la situation en 2012 à la situation aujourd'hui, c'est un peu démagogique. Mm-hmm. Mais bon. C'est facile, ouais. C'est Donald. Parlant de ça... T'avais quelque chose à nous parler, toi, le President Show. Je suis un peu déçu que t'aies pas fait le jeu de mots de sauce parce que je voulais en faire un, mais je vais pas te le voler, tu sais. Ben, fais-le. Les choses allaient bien, que c'était comme ça coulait dans la sauce, je sais pas trop quoi. Ouais, ouais, steak sauce. Poutine, fromage, sauce. Ben, ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Ah, j'ai le goût d'aller me chercher une poutine. Ah, je sais-tu, sérieusement. Non, oui, tu me disais le President Show. Est-ce que tu connais le President Show? Absolument pas, en fait. C'est une émission de TV. sur Comedy Central. Depuis avril 2017, donc ça fait à peu près un an, c'est écrit par Anthony Etemanwick, qui joue le rôle, en fait, du président et qui l'a vraiment bien, si je peux m'exprimer ainsi, accompagné d'un gars qui joue Mike Pence, comme je l'appelle Michael Pantalon. C'est Peter Gross. Bref, chaque épisode, bon, commence assez facilement avec une petite conférence de presse là, où le président fait des blagues, puis annonce le thème, puis lance la chanson au thème. C'est toujours bien, bien drôle. Et en fait, conférence de presse, je trouvais ça ironique parce que Trump, c'était quand sa dernière conférence de presse déjà? Jamais. Ah, jamais du tout! Ensuite de ça, il envoyait... Voyons, je l'appelais la valeur de couleuvre officielle de la Maison-Blanche ou le gars qui a la pire job dans le monde. Sean Spicer, c'est ça. Maintenant, c'est Sarah Huckabee Sanders. Ouais. L'actuelle la valeur de couleuvre officielle de la Maison-Blanche et la personne avec la pire job au monde. Celle qui n'a aucune conscience, finalement. Bref, l'émission transitionne après ça dans un bureau ovale, ce qui est une imitation du bureau ovale, et ça devient un talk show classique. C'est vraiment la formule classique du talk show avec des sketchs surréalistes, absurdes, des trucs comme ça. Genre le président qui parle à une peinture, un portrait sur son mur, mais la peinture devient une vraie personne. C'est vraiment très surréaliste. Mm-hmm. T'as comme l'impression que c'est soit une parodie, soit ce qui se passe vraiment dans le cerveau de Trump. T'sais. Probablement que ça a un certain sens avec la réalité. Et après ça, il y a un invité tout le temps. Il se retrouve à Mar-a-Lago, évidemment, la Maison-Blanche secondaire de Trump. Son espèce de domaine en Floride. Là. Beaucoup trop, genre, pimpé avec plein de trucs vraiment laid-kitch. Avec de l'or partout. De l'or. mais ça ressemble, les entrevues, la portion entrevue de l'émission, ça ressemble énormément à ce que faisait Stephen Colbert dans le temps du Colbert Report. Donc un petit peu un personnage républicain poussé à l'extrême du sarcasme, mais pour passer un petit message, c'est ce qu'ils font. Dans le milieu de l'émission, parce que j'ai parlé du début, j'ai parlé de la fin, mais dans le milieu, il y a comme des segments préenregistrés, des reportages sur le terrain. Il y a beaucoup de vidéos virales sur YouTube en ce moment que, sans qu'on le sache des fois, ben, en tout cas, les gens le savent pas nécessairement que c'est du President Show, donc c'est pas le vrai Trump, et là, les gens pensent que c'est Trump, fait que ça fait fureur pour ça. Bref, des thèmes, il y a des thèmes à chaque émission. Que ce soit America First, Witch Hunt, les chasses à la sorcière, mm-hmm. comme pour la Russie, la peur, la loyauté, des trucs génériques comme ça. Nasty Woman. Nasty Woman, exactement. Ça serait un peu pire, ça. Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, ça pourrait être un très bon thème. Il y a des invités comme des commentateurs politiques, des activistes comme Dan Savage, même l'ancien candidat présidentiel Evan McMullen est allé à l'émission. Le rôle de Trump... c'est pas nouveau pour Anthony Etemanwick, qui utilise le personnage depuis 2016. Il a fait un genre de faux débat avec un faux Bernie Sanders à ce moment-là. Mais je pense que pour vrai, il y a eu de la chance. Parce qu'en tant que tel, d'avoir Trump comme président va pas mal aider sa carrière, d'après moi. Va lui faire un Trump load of money. Ben, c'est il y a beaucoup de carrières comme ça, que c'est tout le temps des hasards. Ouais, Tu sais, même, en fait, Alec Baldwin, c'est on n'entendait plus parler depuis un bout. Oui. Là, il était, en fait, lui-même, c'était un peu exilé de tout ce qui était là, l'avant-scène. Puis son grand retour, ça a été... c'était à SNL, hein, je pense, qu'il jouait... qui jouait Donald Trump. SNL, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Il n'est pas super bien, mais il est très drôle, par contre. J'adore ce qu'il fait. C'était pas une bonne imitation, non. Mais c'était drôle. C'est ça, il a trouvé une twist à lui donner avec ses mouvements. Avec c'était une caricature. China, oui, exact. C'est un peu comme ce que Marc Labrèche fait, en fait. C'est vrai. Tu sais, Marc Labrèche, c'est pas un bon imitateur. Non, c'est-à-dire pas que tu vas te demander si... Tu sais, tu vas pas te dire « Ah, ben, c'est-tu la vraie personne ou c'est Marc Labrèche? » Mais il est bon pour caricaturer. Tu sais, aller chercher les petits défauts de... Tu sais, comme moi, une des affaires, l'ancienne ministre des Finances du Québec, le Ménic Jérôme Forget, qui roule un peu ses airs, mais lui, il arrêtait, Tu prends une affaire, la ministre des Finances. Ouais. Avec Baldwin, c'est de mettre sa bouche en trou de pète. Ouais. C'est ça qu'il fait. C'est la seule affaire qui fait qu'il ressemble à Trump. Alors qu'il y a Anthony Etemanwick dans le President Show, lui, c'est vraiment... T'as l'impression par moment que c'est Trump, tellement il y a la cadence, la façon de parler, la façon d'être, de bouger. Et bien sûr, le maquillage et la coiffure sont toujours une bonne partie du personnage. Ces espèces de galettes de fond de teint en bas des yeux. C'est ça, ben, faut que ce soit orange partout, sauf autour des yeux. C'est comme un raton laveur, finalement. Ouais. L'émission The President Show dont je parle a beaucoup de succès quand même. La première saison a même été allongée de plusieurs épisodes et la deuxième a été annoncée. En fait, ça va commencer le 3 avril pour ceux qui veulent suivre ça et vous rattraper la première saison. En fait, le 3 avril, ça va commencer avec une émission spéciale d'une heure qui va être le Make America Great-a-thon où Trump va essayer de ramasser de l'argent pour les causes qu'il n'a pas réussi à faire passer encore dans sa présidence. Donc, ça va être une émission spéciale d'une heure. Après ça, il y a deux autres émissions spéciales qui ont déjà été diffusées. Si vous voulez les trouver, c'est A Nation in Pieces avec les meilleurs moments, et puis I Came Up with Christmas où c'est le premier Noël parce que Trump a inventé Noël, clairement. Et ce que j'aime du Present Show, c'est que les personnages sont presque toujours en mode personnage, sauf des fois, ils vont briser un petit peu le quatrième mur en faisant référence au fait que c'est n'importe quoi ce que Trump fait. Donc, j'aime beaucoup quand ça brise le mur. Moi, quand j'ai regardé, parce que j'ai commencé par le premier épisode et je me suis tapé, je sais pas si c'était les 7-8 premiers, je me rappelle plus trop, mais j'ai écouté quasiment en fil, ça passe tellement vite, il se passe tellement de choses. Le rythme est aussi saccadé et rapide que la voix de Trump quand il parle. Ça regarde vraiment très, très bien. Et puis, ça, c'était pour le President Show qui est sur Comedy Central. Et je voulais aussi parler d'une deuxième émission, mais rapidement, parce que je ne l'ai pas encore regardé, en fait. C'est-à-dire Our Cartoon President. Est-ce que ça, tu as entendu parler de pas ça? Plus. Non. En fait, c'est diffusé sur Showtime depuis le mois de février, là. Ça vient de commencer. C'est basé sur le personnage animé du Late Show avec Stephen Colbert. Est-ce que tu as vu ça? Pas plus. Non, parce que Stephen Colbert, dans son talk show, invite Trump en version dessin animé et c'est fait avec un logiciel spécial qui permet en fait au président d'être animé en même temps que l'émission a lieu, genre fait qu'ils peuvent se faire référence l'un à l'autre. C'est vraiment très très cool. Donc ils ont pris ce personnage-là qui avait un certain succès. Pas super drôle. Genre de motion capture en temps réel, probablement. Genre, puis, si on veut, ouais, c'est ça. Et ils lui ont donné sa propre émission. Il y a tout plein de personnages autour de ça. Tout le monde qui est comme important dans la famille Trump. Donc, c'est comme je disais, basé sur Stephen Colbert, mais qui était aussi producteur exécutif. Donc, il a son mot à dire dans l'émission. Et puis, la deuxième partie de la saison 2 va être... non, la deuxième partie de la saison 1 va être diffusée cet été. Ça s'en vient plus tard. Donc, Our Cartoon President et The President Show. C'est ce que je voulais te présenter aujourd'hui, Sébastien. Ben merci beaucoup. Puis en fait, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Arrête donc! Mais c'est pas fini! Ah, OK. On va être en rediffusion samedi à 11h. Chance! Et sur la page Facebook, dès que possible. Les mauvaises langues diront dans un mois. Les bonnes langues diront quand Lucas va avoir le temps de le faire. Ah, c'est Lucas qui fait ça. Je pense que c'est toi. Non, c'est pas moi qui fais ça. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est une blague. Et boy. C'est une blague, Sébastien. Pour ça, je vais te réinviter, toi. on vous revient jeudi prochain, 18h, ouais, pour une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission de la fierté gauche sur les ondes de C'est fou. Est-ce que t'es en train de soirée? T'es en train de copier l'émission de la fierté. Il était temps que tu t'en rendes compte parce que ça fait 3 ans que je le fais. Ouais, c'est ça. Mais deux ans. Ça fait 2 ans. Je l'écoute pas jusqu'à la fin, je l'ai juste avant. C'est ça. D'ailleurs, la soirée se poursuit sur les ondes de C'est fou. De l'autre bord de la pause, ça va être Denis Baudin et compagnie à Très Blues à C'est fou. Oh, bonne semaine. Génial, ça.